14h41 sur le 96.2 et vous êtes toujours en compagnie de Sabrina avec l'émission Les Samedis Latinos. Je vous disais en début d'émission que cette émission était spéciale et en effet elle est très très très spéciale pour moi parce que c'est la dernière émission des derniers Samedis Latinos sur le 96.2 pour des contraintes personnelles, professionnelles. Je quitte Radio Arc-en-Ciel avec regret, avec une tristesse quand même, parce que ça va me manquer. Ça va beaucoup me manquer. C'est 8 ans de radio qui s'achèvent. Tout simplement, voilà, c'est le 26 avril 2011 que j'ai fait mes premiers pas dans la radio avec Jean-Pierre Martens, qui est animateur de Vert Matin. Vous le retrouvez d'ailleurs tous les lundis de 9h à midi. Auparavant, c'était les mardis. Et j'ai commencé à ses côtés. C'est lui qui m'a initié à la radio. C'est lui qui m'a tout appris. Merci à lui. Merci de m'avoir ouvert les portes. Je garde un énorme souvenir de ses émissions partagées avec lui. Et puis, la vie fait les bonnes choses, puisque le 5 décembre 2015, c'était la première des Samedis Latinos. Ma propre émission, c'était une fierté pour moi d'avoir ma propre émission au sein de Radio Arc-en-Ciel, de pouvoir intégrer l'équipe des animateurs pleinement et de pouvoir assurer chaque samedi toutes ces émissions, les Samedis Latinos. Vous l'avez remarqué sans doute, ces derniers temps, j'ai été pas mal absente, beaucoup de contraintes professionnelles notamment, qui m'obligeaient à être absente de la radio, mais ça manquait, je venais dès que je pouvais, mais voilà, je dois faire un choix maintenant, et il est difficile, mais je le fais, et voilà, je quitte Radio Arc-en-Ciel, mais je quitte avec énormément de souvenirs, avec énormément de bons moments. Voilà, je voulais donc remercier Jean-Pierre Martens particulièrement, mais aussi tous les membres du conseil d'administration de m'avoir permis d'assurer ces émissions, tous les animateurs également de m'avoir laissé une petite place dans Radio Arc-en-Ciel. Un merci tout particulier également à Florent Amigo, qui enregistre les émissions et qui me fait l'honneur de repartir avec quelques souvenirs de ces émissions. Merci à toi, Florent. Et merci à vous, auditeurs, d'être là, de l'autre côté, d'écouter, de m'appeler, de recevoir des petits messages par-ci, par-là. Même si ce n'est pas forcément des dédicaces que vous voulez passer à l'antenne, mais ça fait toujours plaisir d'avoir des appels. Et voilà, je ne sais pas quoi dire de plus, à part merci à vous, merci à la radio, et merci à tous, finalement. Voilà, donc je vis ma dernière heure et mes dernières 15 minutes au sein de cette radio, à l'antenne, et je ne quitte pas Orléans, donc c'est une bonne chose, enfin pour le moment d'ailleurs, pour le moment je ne quitte pas Orléans, donc on aura l'occasion de se revoir dans les prochaines festivités organisées par Radio Arc-en-Ciel et par d'autres associations à Orléans. Voilà, donc on va continuer, voilà, c'était le petit message que je voulais faire passer maintenant à l'antenne. Je voudrais également remercier, avant d'oublier, Michel qui est toujours là après moi, qui était toujours triste quand j'étais pas là, et je sais que ce sera encore triste pour lui que je quitte définitivement la radio, mais Michel, je t'oublie pas, je viendrai même te voir. Voilà. Allez, il est 14h44 sur le 96.2 et on va continuer avec coração. namoras por SMS. Não fazes nada, só SMS. Eu gosto, mas só assim. Isso não chega para mim. Tu só namoras por SMS. Não fazes nada, só SMS. Eu gosto, mas por favor, preciso mais e melhor que um SMS de amor. Tu só namoras por SMS. Não fazes nada, só SMS. Eu gosto, mas só assim. Isso não chega para mim. Tu só namoras por SMS. Não fazes nada, só SMS. Eu gosto, mas por favor, preciso mais e melhor que um SMS de amor. SMS d'amour, Ruth Marlène. Musique que dédiée Florent. Merci beaucoup Florent. Il est 15h45 sur le 96.2 et Michel est déjà là. Oui, je suis là. Bonjour Michel. Bonjour Sabrina. Comment ça va ? Pas trop bien. Comment ça ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Je le dirai pas. Si, si, dis-moi. Je suis fâché. Pourquoi t'es fâché ? Je suis fâché avec l'animatrice que t'as avant moi. Pourquoi ? Ben parce qu'elle va me quitter. Eh oui. Pourquoi tu fais ça ? Pour des raisons... En fait, j'ai écrit un petit mot pour vous. Du coup, j'ai expliqué pourquoi je quittais la radio. Mais voilà, c'est pour des raisons personnelles et notamment professionnelles. Voilà. Surtout professionnelles. Surtout professionnelles. Donc voilà, je suis obligée de... Alors, il y a un bruit qui court, je ne sais pas si c'est vrai, je te le dis comme j'ai entendu. il paraît que M. Emmanuel Macron t'a demandé comme pour remplacer Benalla. Non, c'est pas vrai. Non, c'est non. c'est pas Sabrina. Non, c'est pas moi. Ah ben oui, c'est vrai. Sabrina, Benalla. Non, c'est pas moi. Ça doit être quelqu'un d'autre, mais c'est pas moi. Oui, tu sais, il n'y a pas qu'un homme qui s'appelle Martin. Oui, c'est sûr, c'est On sûr. Le dit. Et oui. Alors tu vas nous quitter. Et oui, tout à fait. Dernière émission des samedis latinos au sein de Radio Arc-en-Ciel. Qui va te remplacer ? Je ne sais pas qui va me remplacer, mais en tout cas c'est moi. En tout cas moi c'est sûr, je quitte aujourd'hui Radio Arc-en-Ciel, dans 10 minutes même. Je remarque le samedi, ça se... Hein ? Ouais. Il n'y a plus que le vieux, hein. C'est ça. Merci. C'est gentil. C'est toujours les vieux qui vont mener la barque jusqu'au bout, hein. Oui, bien sûr. Les jeunes vont. Tu nous enverras un petit coup de fil de temps en temps. Oui, bien sûr. Je quitte pas Orléans pour le moment, donc je serai dans les parages. Je te demande pas où. Hein. C'est secret. Vous me verrez encore. Il n'y a pas de souci. Bien sûr que. Par contre, si je te vois dans un coin, mieux dire. Ça va aller mal, hein. Ça va mal aller. Oh ouais. Mais en tout cas, merci à toi aussi de m'avoir supporté, hein, pendant... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Depuis 2015 maintenant. C'est hein. Déjà. Hein, depuis 2015, ça. Voilà, que déjà. 5 décembre 2015, première émission des samedis latinos. Donc voilà, le temps passe vite. C'est vrai que le temps passe. Hein. Le temps passe très très vite et en tout cas, voilà, merci à toi d'avoir toujours répondu non à ma question « Comment ça va Michel ?» ou « Est-ce que ça va Michel ?» Oui. Voilà, c'était une habitude du samedi. « Est-ce que ça va Michel ?» Non. « Est-ce que ça va Michel ?» Non. Bon, d'accord. Mais ça fait des années. Hein. Oui, bah oui, depuis j'imagine. J'imagine, mais voilà, ça a été une habitude de prise. J'ai poussé un client dans le monde et j'en pousse toujours. C'est excellent. Eh ben merci à toi d'avoir participé à la grande aventure de Radio Arc-en-Ciel. Ben oui, ben merci à toi et puis aux autres animateurs. Et surtout, un merci très très spécial à Jean-Pierre, parce que c'est avec lui, voilà. Jean-Pierre Martins, oui, parce que c'est avec lui que tout a commencé. Et au fil du temps, j'ai pu me faire une petite place et puis avoir ma propre émission. Et c'est une grande fierté. Et je voudrais également remercier tous les membres du conseil d'administration d'avoir accepté le projet. Et en particulier Christine. Eh bien c'est bien, ma chère, c'est pas voilà. Bon vent à toi. Merci. Et puis en tout cas, voilà, bonne continuation à chacun d'entre vous. Et j'espère que Radio Arc-en-Ciel continuera de vivre encore et encore pendant de nombreuses années. Ben, faut espérer, mais je me fais l'interprète de tous les animateurs et animatrices, je fais un gros bisou en partant. C'est ce qui fait la beauté de Radio Arc-en-Ciel, avec toute cette diversité, ces différentes langues, et ce qui permet d'avoir de nombreux auditeurs différents, et c'est ce qui est le plus beau finalement en fait. Eh oui, mais c'est la vie. Hein. C'est la vie. C'est une page qui se tourne. Ouais. Forcément, ça va me manquer, j'en suis sûr. Je sais qu'à 16h01, ça manquera déjà. Ouais. Mais voilà, c'est un choix que je fais, et je repars avec de nombreux souvenirs et de bons moments passés. Je connais quelqu'un qui a quitté la radio dernièrement, qui m'a dit « Oh là là, poursuivre la radio, rien n'affiche, etc. » Je passe sur les mots. Et puis, bizarrement, d'un seul coup, bah, t'avais peut-être raison, ça me manque. Ouais, voilà. Ça manque toujours. Même moi, quand j'étais absente, ne serait-ce que 2 semaines, déjà, ça me manquait. Mais là, ouais, ça va oui, vraiment t'as manquer. T'as manqué l'école un certain temps. Hein. Voilà. Bon, ben alors, bon vent à toi, et puis j'espère à bientôt, on se reverra peut-être. Merci, et puis bien sûr, on se reverra, t'inquiète pas, se reverra, et merci pour tout. T'en prie, à bientôt. À bientôt. C'est l'habitude, toi. Voilà. Il est 15h50 sur le 96.2 et on va terminer tranquillement cette émission. C'est les dernières minutes des Samedis Latinos, c'est les dernières minutes sur le 96.2. Et ça va me faire quelque chose vraiment de quitter cette radio, mais voilà, je repars avec énormément de souvenirs, avec de bons moments, de bons fous rires à partager, notamment avec Jean-Pierre Martins pendant les premières émissions, avec qui j'ai co-animé les Verts Matins. Voilà, c'est une page qui se tourne, et un nouveau livre va s'ouvrir prochainement, et j'ai hâte de le commencer. 15h51 et on va rester en musique avec George et Ricky Boy, Looney Jones et le titre Où ma chance.